Chapitre deuxième. À l'heure peu avancée où Magdalène se leva pour regarder au dehors, le temps était couvert. Mais à mesure qu'approchait l'heure du déjeuner, la pluie cessa de menacer, et Magdalène put pourvoir à la première nécessité du jour, celle de faire sortir de la maison la compagne de voyage dont la présence le gênait. Mrs. Reig était en toilette, armée de sa collection de prospectus et fort désireuse de partir à 10 heures sonnant. Magdalène s'était inquiétée, beaucoup plus tôt, de lui fournir un guide sûr dans la personne de la fille aînée de l'hôtesse, enfant sérieuse et bien apprise, qu'on avait intéressée à cette tournée de magasin, en lui donnant l'argent nécessaire pour quelques petites emplettes à son usage personnel. Peu après 10 heures, Magdalène expédia dans un fiacre Mrs. Reig et sa jeune suivante. Elle-même ensuite rejoignit l'hôtesse, occupée à remettre en ordre les chambres du haut, afin de s'assurer, en jasant avec cette femme, de ce que pouvaient être les habitudes quotidiennes des résidents de la maison. Elle découvrit qu'ils étaient, Mrs. Reig et elle, les seuls locataires de l'établissement. Le mari de l'hôtesse, employé dans une station de chemin de fer, restait dehors toute la journée. La seconde fille, en l'absence de sa sœur aînée, demeurait préposée aux soins de la cuisine. Les autres enfants, plus jeunes, étaient à l'école et ne devaient rentrer qu'à 1 heure pour dîner. L'hôtesse elle-même, lingère pour dame, comptait passer toute la matinée à son ouvrage dans une petite pièce détachée de la maison et située au fond de la cour. Magdalène avait donc toute facilité de sortir de la maison sous un costume qui n'était pas le sien et d'en sortir sans être remarquée, pourvu que ce fût avant le retour des enfants, c'est-à-dire avant 1 heure. À 11 heures, les chambres furent finies, et l'hôtesse installée à son ouvrage. Magdalène ferma doucement la porte de sa chambre, laissa tomber la jalousie devant la fenêtre, et commença immédiatement ses préparatifs pour la périlleuse épreuve qui allait marquer cette journée. Cette même perception vive du danger à éviter et des obstacles à vaincre, qui l'avait empêchée d'emporter avec elle ce qui, dans son travestissement comique, était d'un ridicule trop marqué, lui faisait parfaitement comprendre toute la différence qu'il y a entre un déguisement porté au flambeau, dans un simple but d'amusement, et celui qu'on revêt en plein jour, afin de se dérober aux regards inquiets de 2 ennemis. Aussi commença-t-elle par mettre une ancienne robe à elle, de cette étoffe que l'on appelle alpaga, fond brun, presque noir, avec un joli dessin de petites étoiles réservées en blanc. Un double volant, au bas de cette robe, était le seul ornement que la modiste y eût ajouté, ornement qui n'avait rien de discordant avec le costume d'une dame âgée. Ce fut ensuite à déguiser sa tête et son visage que Magdalène voulut s'appliquer. Elle ceignit, elle arrangea le tour de faux cheveux gris, avec la dextérité qu'une constante habitude lui avait donnée. Les sourcils artificiels, plutôt un peu forts et d'une teinte un peu plus foncée que les faux cheveux, furent soigneusement fixés à leur place au moyen de la gomme dont elle s'était pourvue. Les teintures employées au théâtre l'aidèrent à changer la transparence blanchâtre de son teint pour y substituer ses couleurs ternes et pour ainsi dire opaques, qui indique chez les femmes un état maladif. Les lignes profondes, les marques de l'âge mûr vinrent ensuite, et alors se présentèrent les premières difficultés réelles. Les artifices suffisants pour la lumière du gaz manquaient leur effet en plein jour. Il était à peu près impossible de cacher ce qu'ils avaient de factice. Magdalène revint à sa caisse, en tira 2 voiles, et les plaçant sur son chapeau de vieille, en essaya successivement l'effet. L'un d'eux, en dentelle noire, était trop épais pour être porté en été sans exciter l'attention. L'autre, de simple filet, laissait voir les traits d'une manière justement assez indécise pour qu'on pût placer certaines rides sur le front et au coin de la bouche. Mais l'obstacle qu'elle écartait ainsi créait, en revanche, une difficulté nouvelle. Celle de tenir son voile baissé, tout en parlant à d'autres personnes sans aucun motif apparent d'agir ainsi. Un moment de réflexion et un coup d'œil jeté par hasard sur la petite palette de porcelaine qui servaient à ses toilettes de théâtre, lui firent trouver, séance tenante, l'excuse muette qu'elle cherchait. Elle se défigura délibérément, en posant une couche de rouge vif au bord de ses paupières, de manière à simuler une inflammation qu'un médecin seul, et en y regardant de fort près, aurait reconnu être fausse. Devant cette hideuse transformation d'elle-même que lui renvoyait le miroir, elle se redressa triomphante. Qui donc, maintenant, s'étonnerait de lui voir tenir son voile baissé? Et qu'aurait à dire Mrs. LeCount si elle lui demandait la permission de s'asseoir à contre-jour? Elle mit ensuite, pour en finir, le modeste manteau gris qu'elle avait rapporté de Birmingham, et qui, garni à l'intérieur par les habiles mains du capitaine Raig en personne, dissimulait à merveille la jeunesse gracieuse de sa tournure et la beauté de ses épaules. Maintenant que sa toilette était complète, elle répéta, pour ainsi dire, la démarche qu'on lui avait enseignée comme convenant particulièrement à son rôle, démarche légèrement claudiquante, et revenue devant son miroir après une minute d'épreuve, elle s'exerça patiemment à déguiser sa voix et ses gestes. C'était seulement dans cette partie du rôle qu'il lui avait été possible, vu leur dissemblance physique, de songer à copier Miss Garth. Ici, la contrefaçon était merveilleuse, la dureté de la voix, la brusquerie de manière, l'habitude d'accompagner certaines phrases par un emphatique branlement de tête, la redondance septentrionale de la lettre R dans tous les mots où elle se rencontrait, toutes ces excentricités individuelles de la vieille institutrice venue du Nord étaient reproduites de manière à faire illusion. La métamorphose ainsi accomplie était littéralement telle que le capitaine Raig l'avait décrite, un véritable triomphe dans l'art du travestissement. À moins de la regarder sous le nez, et dans un endroit où il fit grand jour, personne n'aurait pris Magdalene pour autre chose que pour une pauvre femme maladive, déjetée, désagréable et âgée d'au moins 50 ans. Avant d'ôter le verrou qu'elle avait poussé, elle s'assura par un regard jeté autour d'elle qu'aucun de ses accessoires de théâtre ne resterait en vue, pour le cas où l'hôtesse pénétrerait en son absence dans l'appartement. Le seul objet qu'elle eût oublié de serrer était un petit paquet de lettres de Nora, relu la veille au soir, et qu'elle avait poussé par hasard derrière la glace durant les apprêts de sa toilette. En les prenant pour les mettre de côté, cette pensée lui vint tout à coup à l'esprit. Nora me reconnaîtrait-elle maintenant, si nous venions à nous rencontrer dans la rue? Elle se regarda au miroir, et souriant avec tristesse, non, pas même Nora. Elle tira le verrou, après avoir d'abord regardé à sa montre. Il était bien près de midi, à peine s'il lui restait une heure pour tenter son épreuve désespérée, et rentrer chez elle avant que les enfants de l'hôtesse revinssent de l'école. Elle s'assura, écoutant un instant sur le palier, que rien ne bougeait dans le corridor du bas. Descendue à petit bruit, elle gagna la porte de la rue sans que personne l'eût vue quitter la maison. La minute d'après, elle avait traversé l'avenue et frappé la porte de Noël Vanstone. Cette porte fut ouverte par la même domestique que la veille au soir, elle avait accompagné chez le papetier. Avec un frémissement intérieur qui lui rappelait la mémorable soirée de son début devant le public, Magdalene demanda, prenant la voix de Miss Garth et avec les gestes de Miss Garth, si l'on pourrait parler à Mrs. LeCount. « Mrs. LeCount est sortie, madame, » dit la domestique. « Mr. Vanstone est-il chez lui ?» demanda Magdalene, dont la résolution ne pouvait pas faillir devant ce premier obstacle. « Monsieur n'est pas encore levé. » Encore un échec. Un caractère moins fermé eût cédé à cet avertissement providentiel. Magdalene, au contraire, entra aussitôt en révolte. « À quelle heure Mrs. LeCount doit-elle revenir » demanda-t-elle. « Vers 1 heure, madame. Dites, je vous prie, que je repasserai après cette heure-là, le plus tôt qu'il me sera possible. Je désirerais particulièrement causer avec Mrs. LeCount. Mon nom est Miss Garth. » Elle quitta la maison sans un mot de plus. Il ne pouvait être question de rentrer chez elle. La domestique, d'abord, la regardait s'en aller, ce dont Magdalene s'aperçut à la porte qu'elle n'entendait pas se refermer, et de plus, si elle rentrait, elle courrait risque, quand elle viendrait à ressortir, de rencontrer les petits écoliers qui, une fois revenus, ne manqueraient pas de vaguer dans tous les coins de la maison. Elle tourna machinalement sur la droite, marcha devant elle jusqu'au Vauxhall Bridge et là s'arrêta, regardant couler la rivière. Elle avait à tuer le temps pendant près d'une heure. À quoi pourrait-elle bien l'employer? Comme elle se posait cette question, la pensée qu'elle avait en serrant le paquet de lettres de Nora se présenta de nouveau à son esprit. Une impulsion soudaine qui la portait à éprouver, si son misérable déguisement avait réussi, se mêlait chez elle à un sentiment plus pur et fortifiait dans son cœur l'ardent désir qu'elle éprouvait de revoir le visage de sa sœur, encore qu'elle n'osât ni se découvrir à elle, ni lui parler. Les dernières lettres de Nora lui racontaient, dans le plus grand détail, la vie qu'elle menait comme institutrice, les heures où elle enseignait, celles dont on lui laissait la disposition, celles où elle sortait avec ses élèves. Magdalène calculait donc que si elle pouvait trouver sans retard une voiture, elle aurait le temps de se faire conduire chez les personnes qui employaient Nora, et se trouverait peut-être devant la porte quelques minutes avant l'heure où sa sœur partirait pour la promenade. Un seul regard jeté sur elle m'en dira plus que 100 lettres. Avec cette pensée au cœur et sans autre projet que celui de suivre Nora pendant sa promenade, à l'abri du déguisement qu'elle venait de revêtir, Magdalène se hâta de traverser le pont et de gagner la rive septentrionale du fleuve. C'est ainsi qu'à une des crises décisives de sa vie, immédiatement au moment où elle allait faire un irrévocable pas en franchissant le seuil de Noel Vanstone, c'est ainsi que l'influence du bien, l'emportant sur celle du mal dans cette lutte dont elle était le prix, l'éloignait de l'endroit où devait s'accomplir la déception qu'elle avait préméditée et semblait vouloir la repousser toujours plus loin de cette fatale maison. Elle arrêta le premier cabriolet qui vint à passer près d'elle, indiqua au cocher New Street, Spring Gardens, et lui promit double salaire s'il arrivait en un temps donné. Cette prime fut gagnée, et mieux que gagnée, ainsi que l'événement allait le prouver. Magdalène, se dirigeant vers St. James Park, n'avait pas fait 10 pas dans New Street, quand la porte d'une maison, qu'elle n'avait pas encore dépassée, s'ouvrit pour laisser sortir une dame en deuil, accompagnée de 2 petites filles. Cette dame prit aussi la direction du parc, sans avoir retourné la tête vers Magdalène en descendant le perron. Ceci n'importait guère. Magdalène la regardait avec les yeux de son cœur et ceci avait reconnu Nora. Elle suivit les 3 promeneuses dans St. James Park et de là, le long de Pall Mall, dans les années de Green Park, se rapprochant de plus en plus lorsqu'elles arrivèrent aux pelouses et gravirent la pente qui s'élève du côté de Hyde Park Corner. Ses yeux avides dévoraient pour ainsi dire les moindres détails du costume de Nora, et constatant les plus légers changements survenus dans toute sa personne. Depuis l'automne, cette chère sœur avait maigri. Sa tête penchait quelque peu. Sa démarche attestait une certaine lassitude. Son deuil, porté avec la grâce modeste et le soin rigoureux qu'aucun malheur ne pouvait lui enlever, était assorti au changement de sa situation. Sa robe noire était de gros mérinos. Son châle et son chapeau noir avaient été choisis parmi les plus simples et les moins chers. Les 2 petites filles à qui elle donnait la main portaient des robes de soie. Magdalène se sentit contre elle une espèce de haine instinctive. Elle décrivit sur le gazon un large circuit, de manière à se retourner par degrés et à se ménager une rencontre avec sa sœur, sans éveiller le soupçon que cette rencontre fût préméditée. Son cœur battait vite. Elle se sentait rougir intérieurement, en songeant à tous ses déguisements trompeurs, à mesure que ce cher visage si connu lui apparaissait de plus en plus nettement. Elles passèrent tout près l'une de l'autre. Les yeux de Nora, ses yeux doux et sombres, éclairés de lueurs plus profondes, investis d'un charme plus triste qu'autrefois, posèrent un regard indifférent sur le visage méconnu de sa sœur, et s'en détachèrent ensuite comme d'une figure étrangère. Ce simple coup d'œil, qui eut la durée d'un éclair, frappa Magdalène au cœur. Elle s'arrêta quand Nora l'eut dépassée, comme si ses pieds eussent pris racine dans le sol. Le vil déguisement qui la cachait lui inspirait maintenant une sorte d'horreur, un ardent désir de s'en dégager et d'aller cacher dans le sein de Nora ce visage changé en masque, s'empara d'elle corps et âme. Elle se retourna et suivit du regard les trois promeneuses. Continuant à monter, elles étaient maintenant près d'une des portes pratiquées dans les grilles de fer qui séparent le parc de la rue. Attirées par une fascination irrésistible, Magdalène les suivit encore, les rejoignit au moment où elles atteignaient la porte, et entendit s'élever la voix des deux enfants, qui se querellaient au sujet de la direction à prendre. Elle vit Nora leur faire franchir la porte, et se pencher ensuite pour leur parler, tandis qu'elle attendait le moment favorable pour traverser la rue. Mais quoi qu'elle pût dire, elle n'en était que plus irritée et plus bruyante. La cadette, petite fille de 8 ou 9 ans, s'abandonnait à la véhémente colère de son âge, pleurant, criant et menaçant même de frapper son institutrice. Les passants s'arrêtaient et riaient. Quelques-uns conseillaient, en plaisantant, une petite correction salutaire. Une femme voulut savoir si Nora était la mère de l'enfant. Une autre la plaignit tout haut d'être la gouvernante d'un pareil démon. Avant que Magdalène eût pu se frayer un chemin dans la foule, avant que son désir de venir en aide à sa sœur, dominant toute autre considération, l'eût amenée à se trahir elle-même en allant se placer à côté de Nora, une voiture découverte, dont un encombrement ralentissait la marche, vint à défiler sur la chaussée. Une dame âgée, assise dans le fond, entendit les cris des enfants, reconnut Nora et l'appela auprès d'elle tout aussitôt. Le valet de pied fendit la foule et les enfants montèrent dans la voiture. « Il est heureux que le hasard m'ait amené par ici, » dit la vieille dame en indiquant à Nora, par un geste dédaigneux, une place en face d'elle. « Vous ne savez pas comment vous y prendre avec les enfants de ma fille, et ceci ne peut continuer. » Le laquais releva le marchepied. La voiture passa outre avec les enfants et leur gouvernante. La foule se dispersa et Magdalène se trouva seule. « Tant mieux, » pensait-elle avec amertume. « Je n'aurais fait que l'affliger. Il lui fallut se séparer encore pour souffrir chacune de son côté. » Machinalement, elle revint sur ses pas, traversant comme dans un rêve les vastes éclaircies du parc. Traîtreusement armée de ce vif attachement que Magdalène portait à sa sœur et de l'indignation véhémente que l'abaissement de sa sœur venait de lui causer, la terrible tentation qui dominait sa vie la tenait maintenant mieux étreinte que jamais. Le désespoir indomptable de cette nature puissante et passionnée se manifestait d'une manière effrayante sur ce visage fardé, vieilli à dessein et d'un aspect formidable. Nora, devenue l'objet de la curiosité, de la risée publique. Nora, réprimandée en pleine rue. Nora, victime à gage d'une vieille femme insolente et d'une enfant mal élevée. Tout cela dû au même homme qui avait forcé Franck à partir pour la Chine. Tout cela dû maintenant qu'il n'était plus au fils de cet homme. Ainsi, le souvenir de sa sœur qui naguère encore l'attirait loin du théâtre où elle devait jouer un rôle odieux. Et lui rendait haïssable l'idée du déguisement pris pour jouer ce rôle. Ce même souvenir, à présent, sanctionnait et ses moyens et tous ceux qu'elle emploierait pour atteindre le but marqué. Ce souvenir lui mettait en quelque sorte des ailes aux pieds et la ramenait irrésistiblement du côté de la maison fatale. Encore une fois sortie du parc, elle se retrouva dans les rues, sans savoir où. Comme naguère, elle fit signe au premier fiacre qui vint à passer et enjoignit au cocher de la conduire à Vauxhall Walk. Le mouvement de la voiture, substitué à l'action de la marche, l'avait peu à peu calmée. Son attention se reportait sur elle-même et sur son ajustement. La nécessité de s'assurer que depuis sa sortie son déguisement n'avait souffert aucun dommage se présenta aussitôt à sa pensée. Elle fit arrêter devant la première boutique de pâtissier qui se rencontra sur la route et se procura ainsi l'occasion de consulter un miroir avant de se hasarder une seconde fois à traverser Vauxhall Walk. Ses faux cheveux gris étaient un peu en désordre et le vieux chapeau légèrement de travers. À cela près, rien n'avait périclité. Elle répara ses rares lacunes de son costume avant de remonter dans le fiacre. Il était 1h30 quand elle arriva devant la maison et frappa pour la seconde fois à la porte de Noël Vanstone. La domestique vint ouvrir. « Mrs. LeCount est-elle rentrée ?»« Oui, madame. Montez, s'il vous plaît, par ici. » La domestique précéda Magdalène le long d'un corridor absolument vide et l'emmenant au-delà d'un escalier sans tapis, ouvrit la porte d'une pièce située au fond de la maison. Cette chambre était éclairée par une fenêtre donnant sur une cour. Les murs étaient nus, les parquets de même. Deux chaises de paille s'appuyaient au lambris et une table de cuisine était posée sous la fenêtre. Sur la table, un réservoir de verre rempli d'eau vers le centre duquel, par manière d'ornement, se dressait une petite pyramide de rocailles artificielles. Tout autour de celle-ci s'enlaçaient quelques plantes aquatiques. Des limaces s'étaient collées au flanc du réservoir. Des têtards et autres menus poissons nageaient rapidement dans l'eau verdâtre. De glissantes salamandres et de visqueuses grenouilles se croisaient sans bruit, entrant et sortant tour à tour sous la rocaille arborescente. Enfin, au sommet de la pyramide, froid comme la pierre, brun comme la pierre, immobile comme la pierre, perchait isolé un petit crapaud dont les yeux étincelaient. L'art de conserver des poissons et des reptiles à l'état de favori domestique ne s'était pas encore popularisé en Angleterre à l'époque dont nous parlons, et Magdalène, en entrant dans cette chambre, recula presque d'étonnement et de dégoût devant le premier échantillon d'aquarium qui se fût jamais offert à ses yeux. « N'ayez pas peur, » dit derrière elle une voix de femme. « Mes petits élèves ne font de mal à personne. » Magdalène, tournant la tête, se trouva face à face avec Mrs. LeCount. Elle s'était attendue, basant ses préventions sur la lettre que la femme de charge lui avait écrite, à voir une femme aux traits durs, à la physionomie fourbe, vieille, insolente et désagréable. Elle se trouvait au contraire en présence d'une dame aux façons insinuantes et douces, dont le costume était une merveille de soin, de bon goût et de séante simplicité, de même que ses traits pouvaient passer pour une merveille de résistance physique à l'influence désastreuse des années. Si Mrs. LeCount, retranchant 15 ou 16 ans de son âge vrai, n'avait voulu en avouer que 37 ou 38, pas un homme sur 1000, pas une femme sur 100, n'aurait refusé de la croire. Sous un irréprochable bonnet de dentelle, sa noire chevelure commençait à grisonner, mais c'était tout. Quelques rubans de deuil en formaient l'unique ornement. Pas un pli ne ridait son front blanc et lisse, ses joues blanches et bien fournies. Son double menton était marqué de fossettes. Ses dents étaient admirables de blancheur et de régularité. On aurait pu critiquer ses lèvres comme trop minces, si elle n'avait pallié ce défaut par un sourire humble et persuasif qui ne les quittait presque jamais. Ses grands yeux noirs, encadrés dans le visage d'une autre femme, auraient peut-être semblé un peu farouches. Dans celui de Mrs. LeCount, ils avaient une douceur attendrissante. Il semblait exprimer un compatissant intérêt pour tout ce qui lui arrivait de regarder. Pour Magdalène, pour le crapaud sur la rocaille, pour cette arrière-cour qu'on voyait de la fenêtre, pour les belles mains un peu grasses qu'elle se plaisait en parlant à passer doucement l'une sur l'autre, pour sa jolie chemisette de batiste sur laquelle, tout en écoutant les autres, elle aimait à fixer un regard complaisant. Cette élégante robe noire, qui attestait son culte funèbre pour la mémoire de Michel Vanstone, n'était pas un vêtement ordinaire. C'était un compliment bien tourné qu'elle adressait à la mort. Son innocent tablier de mousseline blanche représentait à lui seul un petit poème de la vie domestique. Ses boucles d'oreilles en jais affichaient de si chastes prétentions qu'un quaker les aurait pu lorgner sans commettre le moindre péché. Au charmant embonpoint de son visage, s'assortissait le charmant embonpoint de sa taille, qui prêtait à son allure je ne sais quoi de glissant, et à sa démarche de calmes ondulations raisonnablement séduisantes. Peu d'hommes auraient pu envisager Mrs. LeCount un point de vue exclusivement platonique. De 13 à 19 ans, les jeunes gens devaient la trouver irrésistible. Les femmes seules étaient capables de se cuirasser contre elle. et de fouiller sans pitié sous cette attrayante et souriante surface. Le premier regard que Magdalène jeta sur cette Vénus d'automne suffit pour la convaincre qu'elle avait bien fait de venir sous un masque examiner le terrain avant de se mesurer avec Mrs. LeCount. « Ai-je l'honneur de parler à dame qui est venue ce matin ?» demanda la femme de charge. « Miss Garth, je suppose ?» Tandis qu'elle formulait cette question, il y eut dans son regard quelque chose qui engagea Magdalène à se détourner de la fenêtre encore plus complètement qu'elle ne l'avait fait jusqu'alors. Le simple soupçon que la femme de charge avait déjà pu l'entrevoir sous un jour trop vif ébranla pour le moment tout son sang-froid. Elle se donna le temps de se remettre et ne répondit que par un simple mouvement de tête. « Recevez mes excuses, madame, pour la nécessité où je suis de vous recevoir dans un pareil taudis, » continua Mrs. LeCount, en bon anglais courant, prononcé avec un accent étranger. « Mr. Vanstone n'est ici qu'en passant. Nous partons demain soir pour nous rendre sur la côte, et on n'a pas cru que ce fût la peine de mettre la maison en bon ordre. Veuillez donc vous asseoir et me faire connaître l'objet de votre visite. » Une ou deux glissades imperceptibles l'ayant rapprochée de Magdalène, elle lui offrait un fauteuil exactement en face du jour. « Veuillez vous asseoir, » répéta Mrs. LeCount, jetant sur les yeux rougis de la visiteuse, à travers le voile enfilé qui lui dérobait ses traits, un regard empreint du plus touchant intérêt. « Une ophtalmie, comme vous voyez, » répondit Magdalène, se maintenant de profil par rapport à la fenêtre, et prenant soin de monter sa voix au diapason de Miss Garth. « Je vous demanderai la permission de ne pas écarter mon voile et de me tenir à contre-jour. » En disant ces mots, elle se sentait redevenue maîtresse d'elle-même. Ce fut avec un calme parfait qu'elle recula son fauteuil dans un coin de la chambre où le jour de la croisée arrivait à peine et qu'elle s'assit, conservant sur son visage les ombres de son chapeau. Les lèvres persuasives de Mrs. LeCount murmurèrent une formule de courtoise sympathie. Les doux yeux noirs de Mrs. LeCount exprimèrent plus d'intérêt que jamais pour la dame étrangère. Elle avança pour elle-même un fauteuil, exactement sur la même ligne que celui de Magdalène, et prit soin de s'asseoir tellement près du mur que la visiteuse était forcée ou de tourner un peu plus la tête vers la croisée ou de manquer à la politesse en ne regardant point son interlocutrice. « Fort bien, » dit Mrs. LeCount avec une petite toux confidentielle. « Et maintenant, à quelles circonstances dois-je l'honneur de votre visite ?»« Pourrais-je vous demander d'abord, si par hasard mon nom vous serait connu ?» dit Magdalène, se tournant vers elle, comme contrainte et forcée, mais en même temps et du plus grand sang-froid, levant son mouchoir entre son visage et le jour. « Non, » répondit Mrs. LeCount, avec une autre petite toux, un peu plus dure que la première. « Le nom de Miss Garth m'est complètement étranger. » « En ce cas, » poursuivit Magdalène, « je vous expliquerai mieux la cause de mon importunité en vous disant qui je suis. J'ai vécu pendant bien des années comme institutrice dans la maison de feu Mr. André Vanstone à Combraven, et je viens ici dans l'intérêt de ses filles orphelines, comme vous le savez. » Les mains de Miss LeCount, qui jusqu'à ce moment avaient glissé doucement l'une sur l'autre, s'arrêtèrent tout à coup. Les lèvres de Miss LeCount oublièrent tout à coup de se tenir closes et révélèrent par là même, au début de l'entrevue, qu'elles étaient un peu trop minces. « Je suis surprise que vous puissiez supporter la lumière extérieure sans une petite visière verte, » remarqua-t-elle tranquillement, laissant la fausse Miss Garth se nommer elle-même, sans y prendre plus garde que s'il n'avait pas ouvert la bouche. « J'ai constaté que dans cette saison, une visière me tient trop chaud aux yeux, » répondit Magdalène, opposant au sang-froid de la femme de charge un sang-froid au moins égal. « Pourrais-je savoir si vous avez entendu ce que je viens de vous dire au sujet de la mission qui m'amène ?»« Je vous demanderai de mon côté, madame, en quoi cette mission pourrait bien me concerner, » répliqua Mrs. LeCount. « Voici, » dit Magdalène, « je m'adresse à vous parce que les intentions de Mr. Noel Vanstone vis-à-vis des deux jeunes personnes leur ont été notifiées par une lettre émanée de vous. » Cette simple réponse ne manqua pas son effet. Mrs. LeCant comprit que l'étrangère en savait plus long qu'elle ne l'avait d'abord cru, et qu'il pourrait bien être imprudent, en de telles circonstances, de la renvoyer sans l'entendre. « Veuillez me pardonner, » dit la femme de charge. « J'avais mal compris d'abord. Je suis maintenant tout à fait au courant. Vous vous trompez, madame, en supposant que je puis quelque chose ou que j'exerce quelque influence dans cette pénible affaire. Je suis l'organe de Mr. Noel Vanstone, la plume qu'il tient, si vous voulez bien me permettre cette expression. Et pas autre chose. Il est malportant, et comme tant d'autres, il a ses bons et ses mauvais jours. C'est pendant un de ces derniers qu'on a répondu à cette jeune personne. Lui donnerai-je le nom de Miss Vanstone ? Volontiers, la pauvre enfant. Qui suis-je en effet pour faire des distinctions ? Et que m'importe si ses parents furent ou non mariés ? Ainsi que je vous le disais, Mr. Noel Vanstone était dans un de ses mauvais jours lorsqu'il fallut répondre à cette lettre, et je fus, en conséquence, chargé d'écrire, mais simplement à titre de secrétaire et faute d'un autre qui valut mieux. Si vous désirez plaider la cause de ces jeunes dames, n'est-ce pas ainsi que vous les désigniez tout à l'heure, et les désignerai-je de même ? Non, pauvre personne, je les appellerai les Mrs. Vanstone. Si vous désirez plaider la cause de ces Mrs. Vanstone, je ferai part de votre nom et de votre visite à Mr. Noel Vanstone. Il est seul au salon, et nous sommes précisément dans une de ses bonnes journées. De longs services me donnent quelque influence sur lui, et je l'emploierai très volontiers en votre faveur. Irai-je sans plus tarder ? Demanda Mrs. LeCant, se levant avec le plus cordial désir de se rendre utile. Si vous voulez bien, dit Magdalen avec un empressement reconnaissant, et s'il n'est pas indiscret de me prévaloir ainsi de votre bonté. Au contraire, répondait Mrs. LeCant, c'est une obligation que je vous ai. Vous me mettez à même, dans la faible mesure où cela m'est possible, de prêter secours à l'accomplissement d'une bonne action. Elle salua, sourit et sortit de la chambre. Une fois seule, Magdalen se plut à laisser déborder la colère dont elle avait contenu l'expression en présence de Mrs. LeCant. Faute d'un plus noble objet, cette colère s'en prit au crapaud. La vue du hideux petit reptile, tranquillement assis sur son trône rocailleux, et jetant au vide le regard pénétrable de ses yeux étincelants, lui portait sur les nerfs d'une incroyable façon. Elle regardait l'immonde créature avec un dégoût, une haine intense, et à travers ses dents serrées, elle lui adressait à voix basse de véritables imprécations. « Je ne sais, disait-elle, quel est le sang le plus froid, le vôtre ou celui de Mrs. LeCant. Je ne sais ce qui est le plus visqueux, de son cœur ou de votre dos. Odieux petit monstre, savez-vous ce que c'est que votre maîtresse ? Votre maîtresse est un démon. » La peau tachetée qui faisait poche sous la bouche du crapaud se rida par une contraction mystérieuse et reprit ensuite lentement son extension première, comme si l'animal eût avalé les injures qu'on lui adressait. Au premier mouvement par lequel cet affreux petit corps manifesta une espèce de vie, Magdalen s'était écartée, cédant à un invincible dégoût pour retourner vers son fauteuil. Elle ne s'était pas rassise un moment trop tôt, car la porte s'ouvrit sans bruit et Miss LeCant se montra de nouveau. « Mr. Vanstone vous recevra, » dit-elle, « si vous avez la bonté d'attendre quelques minutes. Il sonnera dès que ses occupations actuelles seront terminées et lorsqu'il pourra se mettre à votre disposition. Veuillez prendre soin, madame, de ne rien lui dire qui puisse l'attrister ou l'agiter en quelque façon que ce soit. Dès sa plus tendre enfance, l'état de son cœur a gravement inquiété toutes les personnes au milieu desquelles il vivait. Ce n'est pas positivement une maladie, mais seulement une faiblesse chronique, une dégénérescence graisseuse, un défaut de vitalité dans l'organe lui-même. Son cœur fonctionnera convenablement, si on ne donne pas trop de besogne à son cœur. Tel est l'avis de tous les médecins qui l'ont examiné. Vous ne perdrez pas ceci de vue, et réglerez en conséquence l'entretien que vous allez avoir avec lui. Mais à propos de médecins, avez-vous jamais essayé l'onguent doré pour cette fâcheuse infirmité de vos yeux ? On m'en a parlé comme d'un remède excellent. Il ne m'a point réussi, répliqua Magdalen avec une certaine brusquerie. avant que je voie Mr. Noel Vanstone ?» continua-t-elle. « Pourrais-je savoir ?»« Je vous demande pardon, » interrompit Mrs. Lecount. « Votre question aura-t-elle trait par hasard à ces deux pauvres jeunes filles ?»« En effet, elle concerne les Mrs. Vanstone. »« Alors je ne saurais l'aborder. »« Veuillez m'excuser. » Mais en vérité, je ne puis en rien m'occuper de ces pauvres jeunes filles. Vous me faites un vrai plaisir en les appelant les Mrs. Vanstone, si ce n'est en présence de mon maître et par son express congé. Parlons d'autre chose pendant que nous attendrons ici. Avez-vous pris garde à mon petit aquarium? J'ai toute raison de penser que c'est en Angleterre une chose absolument nouvelle. J'y ai jeté les yeux pendant que vous étiez hors de la chambre, répondit Magdalene. Ah, vraiment? Et vous n'y avez pris aucun intérêt? J'en suis bien sûr. Rien de plus naturel. Je ne m'y suis non plus intéressé qu'après mon mariage. Mon cher époux, défunt depuis bien des années, développait mes goûts et m'avait mis à son niveau. Vous avez, j'imagine, entendu parler de feu le professeur Lecomte, l'éminent naturaliste suisse. Je suis sa veuve. Les Anglais résidant à Zurich, où j'ai longtemps habité moi-même, au service de mon défunt maître, ont arrangé mon nom à l'anglaise en m'appelant Lecount. Vos généreux compatriotes ne veulent tolérer rien d'étranger autour d'eux, non pas même un nom, s'ils peuvent le métamorphoser à leur guise. Mais je parlais de mon époux, de mon cher époux, qui me permettait de l'assister dans ses recherches scientifiques. Depuis sa mort, je n'ai plus qu'un intérêt au monde, et c'est celui de la science. Éminent à beaucoup d'égards, le professeur était hors ligne par rapport aux reptiles. Il me légua ses sujets et son vivier. C'était toute sa succession. Voici le vivier. Quant aux sujets, ils sont tous morts, excepté ce petit être si calme, ce joli petit crapaud. Mon affection pour lui vous surprendrait-elle? Il n'y a rien là, cependant, qui doive étonner. Le professeur avait le temps de m'élever au-dessus des préjugés vulgaires qui pèsent sur la création reptile. Bien comprise, la création reptile est fort belle. Bien disséquée, la création reptile offre des renseignements de premier ordre. Là-dessus, du bout de son petit doigt, elle donna un léger coup sur le dos du crapaud. « Si frais au toucher, » disait Mrs. Lecount, « d'un contact si agréable par cette saison d'été. » La sonnette du salon se fit entendre. Mrs. Lecount se leva, s'inclina presque tendrement sur l'aquarium et adressa au crapaud un petit gazouillement d'adieu comme s'il se fût agi d'un oiseau. « Mr. Vanstone est prêt à vous recevoir. Veuillez me suivre, Miss Garth. » À ces mots, elle ouvrit la porte et passa la première, montrant le chemin.